La France s'est réveillée ce matin AA+, l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé d'un cran la note française avec une perspective négative, ce qui signifie que cette note pourrait être une nouvelle fois abaissée. La France perd donc son triple A qu'elle détenait depuis 1975. Ça n'est pas une surprise, voilà maintenant plusieurs semaines que cette dégradation était annoncée. Et la France n'est pas un cas isolé, 8 autres pays de la zone euro sont également dégradés, 8 autres pays, mais pas l'Allemagne qui conserve son triple A avec une perspective stable. Les réactions se multiplient en France et en Europe, à l'instant celle d'Angela Merkel, pour qui un long chemin sera nécessaire avant de rétablir la confiance des investisseurs. Tout à l'heure, c'était le Premier ministre français, François Fillon, qui s'était exprimé. Il a tenté de relativiser cette annonce de dégradation.